Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we are presenting is Bonjour Minnesota. Alors bonsoir et bienvenue Olaf. Bonsoir, je suis content d'être de retour. Voilà. Toi, tu es parti depuis quand? Septembre? J'ai honte de dire depuis combien de temps j'étais absent. Tu nous as manqué? Eh bien, on va commencer tout de suite avec notre musique. On va commencer avec Pierre Bachelet. Il va vous chanter d'abord « Laissez chanter le français » et « Les Lola ». On le parle de mémoire, pas besoin de traducteur. On a tous, sans le savoir, un Larousse dans le cœur. Quand on commande un café, c'est lui qui dit les mots. C'est le premier à parler, à écrire dans les journaux. Avec ses tournures provinces et ses pointes d'accent, il a fait trembler les princes, tomber les présidents. C'est lui qui met en musique toutes nos idées, lui qui fait du moindre mot la première liberté. Laissez chanter le français, laissez chanter le français. Si le rêve de quelques-uns est d'en faire un patois, une langue de rien parlée d'autrefois, ne prenons pas la gomme à effacer les mots, à effacer les hommes qui chantent à la radio. Laissez chanter le français, laissez chanter le français, laissez chanter le français, laissez chanter le français. Avec ma femme, je l'avoue, et je t'aime son naturel. Quoi, je lui dirai I love you pour être universel. À défaut de s'entendre dans la langue de Shakespeare, à l'heure des mots tendres, faudrait-il ne rien dire? Laissez chanter le français, laissez chanter le français. Quand on cherche un peu les mots pour Madeleine ou Madelon, il est notre Cyrano caché sous le balcon. Ne prenons pas la gomme à effacer le cœur, à effacer les hommes qui chantent par bonheur. Laissez chanter le français, laissez chanter le français, laissez chanter le français. Laissez chanter le français. Laissez chanter le français. Laissez chanter le français. Laissez chanter le français. Laissez chanter le français. Laissez passer le français. sait le dire ce qu'il veut. Laissez parler le français. Laissez passer le français. Laissez le rire un petit peu. Laissez le dire ce qu'il veut. Tu peux te faire cardinal ou danseur flamenco, voyageur sidéral, en capsule Apollo. Tu peux te faire général dans une mégalopole, magna du capital, Judas du Capitole. Tu peux tenir boutique d'idées très avancées dans les sphères politiques, dans les claques du progrès. Tu peux te faire camionneur, rouler pendant des heures, ou tu peux te faire chanteur, hurler elle est d'ailleurs. Il y a toujours, c'est fatal, un moment tout d'un coup, où un parfum de femme te fait trembler les genoux. Mais les femmes sont toutes des lolas, elles nous mènent par le bout de leurs bras. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, elles nous mènent par le bout de leurs yeux. Mais les femmes sont toutes des lolas, et pour elles on fait n'importe quoi. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, et pour elles on se crèverait les yeux. Et c'est pour ça Charlotte que je sors avec mes potes, et c'est pour ça Madeleine que je pars pour une semaine, et c'est pour ça Margot que je fais semblant d'être beau, et c'est pour ça ma biche que je fais semblant d'être riche. Mais les femmes sont toutes des lolas, elles nous mènent par le bout de leurs bas. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, elles nous mènent par le bout de leurs yeux. Mais les femmes sont toutes des lolas, et faut dire que l'on semble aimer ça. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, et faut croire que c'est ça que l'on veut. Tu peux te faire gourou dans une secte branchée, poète à moitié fou ou adjudant PD, promoteur de mes fesses, bétonneur du trottoir. Tu peux te faire altesse dans les journaux du soir. Il y a toujours un moment où tu crois en passant un parfum de bohème qui vient te dire je t'aime. Mais les femmes sont toutes des lolas, elles nous mènent par le bout de leurs bas. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, elles nous mènent par le bout de leurs yeux. Mais les femmes sont toutes des lolas, et pour elles on fait n'importe quoi. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, et pour elles on se crèverait les yeux. Et c'est pour ça Charlotte que je sors faire une belote, et c'est pour ça Madeleine que je pars pour Sainte-Hélène. Et c'est pour ça Margot que je me tire en bateau, et c'est pour ça ma biche que je ne serai jamais riche. Mais les femmes sont toutes des lolas, elles nous mènent par le bout de leurs bas. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, elles nous mènent par le bout de leurs yeux. Mais les femmes sont toutes des lolas, et faut dire que l'on semble aimer ça. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, et faut croire que c'est ça que l'on veut. Mais les femmes sont toutes des lolas, elles nous mènent par le bout de leurs bas. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, elles nous mènent par le bout de leurs yeux. Mais les femmes sont toutes des lolas, et pour elles on fait n'importe quoi. Mais les femmes sont toutes des anges bleus, et pour elles on se crève les yeux. So, we heard Pierre Bachelet, Laissez chanter le français, which he sings, let's sing, let's hear, that we sing in French. And that, of course, is what this whole Bonjour Minnesota is about. You are hearing French songs. The second one that he has was Les Lolas, the Lolas. Well, it's a little bit satirical take on the beautiful people and the beautiful ladies who spend most of their time trying to look very nice and be part of the upper class. Ah. Eh bien, d'abord, on a une annonce et après, on va écouter Morane qui va vous chanter Différente quand je chante. Et ensuite, Morane chantera sur un prélude de Bach. To continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer, download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit kfai.org. Maison avec ma raison, quelques rôles faciles à jouer en civil, et ça me suffit. Je suis ravi ou je m'ennuie un peu. Ce soir, c'est l'histoire d'un défi, être enfin ma meilleure amie, rien que des questions, des changements de. Des flous artistiques qui cachent une bombe atomique après les bulles du champagne, un désir de cocaïne. Ce soir, il me faut toucher le ciel, me perdre dans le cri d'un gospel. C'est joli, mais de vie, c'est une douce folie. Pourquoi me lamenter encore, sans penser au délire au dehors? On vient dans ma maison, aux mille passions. Le bonheur existe, il est sur ma playlist et je le contiens, égoïste. Vous avez l'écrire. Ce soir, on va toucher le ciel, se perdre dans le cri d'un gospel. Thank you. différent quand je chante. Différent quand je chante. Oh, oh. Différent quand je chante. Oh, différent quand je chante. Well, we heard Morane, a Belgian singer, obviously a Wallon, and she sang the first song, was Différent quand je chante. I'm different, is what she wants to say, when I sing. So different when I sing. My spirit, my explodes and metamorphoses. So she really is into singing and changing her, well, inner being by singing. The second song was a somewhat more recent one, Sur un prélude de Bach, on a prelude of Bach. And this goes all across, well, the whole musical era, including steamships and so on, steamers that are docking in a port, and then it goes across Mozart and everything you want to. But anyway, it's Sur un prélude de Bach, and she sings. I don't know which prelude it is, but it's a very nice little song. Merci, Olaf. Alors, maintenant, on écoute Gilles Kaplan. Je ne connais pas beaucoup de Gilles Kaplan, mais elle a une belle voix. Je crois qu'elle a chanté il y a quelques ans. Elle va vous chanter avant qu'il ne soit trop tard. Gilles Kaplan. S'enfonce dans le noir et sans plus le moindre espoir, on détruit tout ce qui reste, on fuit l'amour comme la peste. J'entends des trompettes blanches sonner l'heure du départ, des gens qu'on tire par la main et qu'on part que dans des gares. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Avant qu'il ne soit trop tard. Qui veut savoir? Sur terre, un endroit où l'on est bien. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Avant qu'il ne soit trop tard. Qui veut savoir? Est-ce que tu crois? Qui veut savoir?

close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Well, you heard La Vie en Rose by Edith Piaf and by Louis Armstrong. I don't have to translate it because Louis Armstrong gave the English version. And the way Edith Piaf's voice can be reckoned and seen no matter where and when she sings, you know it's Edith. Same thing with Louis Armstrong's horn. When he plays the trumpet, you know it's Louis Armstrong. And both of them, I mean, there's no such thing as avant qu'il ne soit trop tard with these two guys. I mean, even Edith thinks La Vie en Rose, when her friend whispers into her ear and so on. But she realizes this may not, he says it's for life. She realizes it may not be that long. But They are both are not getting upset about the avant qu'il ne soit trop tard, as we had heard in the song before. All right, so this was La Vie en Rose. Oui, j'ai joué ça parce que je sais que tu aimes bien Louis Armstrong, Olaf. Alors maintenant, on va écouter Jacques Brel. Jacques Brel était belge, mais plutôt français que belge dans le cœur. Il va vous chanter Amsterdam. C'est un louange pour la ville d'Amsterdam. Et ça va être suivi par les bourgeois. Ils se moquaient pas mal d'eux. Et vous allez écouter des paroles un peu... peut-être un peu osées, mais pas tellement. Alors, Jacques Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes

Be in the know in the now with KFAI News and Public Affairs programs, 6 a.m. to 10 a.m. weekdays. Jacques Brel, the singer from Belgium, actually spent much of his time in France. He sings about two songs about Belgium. The first one is Amsterdam, and it's about the port city of Amsterdam. Smell of codfish, the sailors who are prancing around, ladies of the night in the port and near the steamers. And he, this whole thing passes in the trois temps, in the beat of a waltz. The second one, but it's a very nice characterization of the port city of Amsterdam. And the second one, Les Bourgeois, the Philistines, or the upper class, goes to discussing, I mean, what these high paid bourgeois, they are lawyers, they are doctors and so on, how they behave. And one of them thinks he is Voltaire, the other one thinks he is Casanova. And here they go. And the Jacques Brel follows them through the ages. And then at the end, of course, they're all old and Casanova doesn't work anymore. Voltaire has gone quiet. And here they end in the hotel where they always met to have their drink. And some very cheeky young men come out and say the same naughty things to them as they used to tell the bourgeois coming out of the bar before. Eh bien, alors maintenant, il y a Zaz. Alors, c'est une nouvelle chanteuse, Zaz. Et j'aime bien cette chanson qui s'appelle « Dans ma rue ». On la compare à Edith Piaf, mais pour moi, non, elle n'est pas Piaf, mais elle a un style vraiment intéressant et j'aime bien ses chansons. Ça va être suivi par Philippe Laville. Il y a plus d'hiver. D'abord, Zaz. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine. Je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer auprès de lui. Dans ma rue, y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. Plus d'hiver, tu peux me donner ton manteau. Y a plus d'hiver, c'est un peu comme un cadeau. Comme dans un rêve, comme un ami qui revient. Un jour nouveau qui se lève et qui n'a pas de fin. Comme un alcool après des années obscures. Comme les paroles d'une chanson que l'on rature. Je veux m'envoler, il faut que tu m'accompagnes t'enlever. Sur une bulle de champagne, être beau. Ne plus jouer le requiem des sanglots. Simplement te dire que je t'aime sans un mot. Y a plus d'hiver, plus de nuages entre nous. Y a plus d'hiver, sèche tes larmes sur ma joue. Viens te blottir au soleil entre mes bras. Et tout ce que tu désires, je l'inventerai pour toi. Je veux m'envoler, il faut que tu m'accompagnes m'évader. Sur une bulle de champagne, être beau. plus jouer le requiem des sanglots. Simplement te dire que je t'aime, m'envoler et balayer la grisaille et danser en se tenant par la taille enivrée pour fêter nos fiançailles allumées. Un immense feu de broussailles et t'aimer. So we heard Zaz in Dans ma rue, in my street. A rather disturbing kind of things that happen in her street. She's sick and she's looking out through the window. She's watching men passing by. She's watching ladies walking the street. And then the worst thing for her is at night when she starts, falls asleep, then all of a sudden she hears whistles and cracking and then the silence, and the silence is the worst for her. Anyway, this is kind of a street that maybe you wouldn't want to live in. However, Philippe Laville, Il y a plus d'hiver. First I thought, good grief, what is this? Plus d'hiver? What would Minnesota be without a winter? Plus d'hiver, no winter. But then as he sings along, it becomes more and more evident that this was some kind of a wintry situation between him and his love. And things are kind of getting better and better. So that winter of misunderstanding is gone, and now they are all in, everything is okay. But, I mean, don't worry. I mean, the first thing I worried was, is there no winter? I mean, what will we do in Minnesota if there's no winter? Au moins, ce n'est pas comme l'année dernière. On a le temps pour une dernière chanson par Francis Cabrel. Il va vous chanter Carte postale, qui est au début de sa carrière. Cabrel, Carte postale. Allumer les postes de télévision, verrouiller les portes des conversations, oublier les dames et les jeux de cartes, endormir les fermes quand les jeunes partent, briser les lumières des ruelles en fête, refroidit le vin brûlant les assiettes, emporter les mots des serveuses aimables, et disparu les chiens jouant sous les tables, déchirer les nappes des soirées de noces, oublier les fables du sommeil des gosses, arrêter les valses du dernier jupon et les fausses notes des accordéons. C'est un rameau perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales et sur le vieux buffet sous la poussière grise il reste de cartes postales, foudronner les pierres des chemins tranquilles, relever les herbes des endroits fragiles, déserter les places des belles foraines, assécher les traces de l'eau des fontaines, oublier les phrases sacrées des grands-pères aux astres des grandes cheminées de pierre, en une carte postale. Envoler les robes des belles promises, les ailes des grillons, les paniers de cerises. Oublier les rires des nuits de moisson et allumer les postes de télévision. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries, and we are at the top of the hour. The studio clock says about 9:02. Well, that's you probably have better time. What time is the atomic clock time is 9:01. So 9:01. Oh, yeah. That's more. But let's not fight about 1 minute. But it's kind of close to nine, and it's we are entering the second hour of our program. Bonjour Minnesota. And merci, and. We have some brand new music from, and some older ones mixed in, from RFI Radio France Internationale. Tu veux qu'on commence tout de suite, Olaf? Ou? Okay, well, we heard. Oh oui. Francis Cabrel and mm-hmm. Carte Postale, Postcard, mm-hmm. And basically he says just turn on all the, I mean his take on this is just turn on all the TV sets and shut off everything else, like playing chess or playing discussion or anything like this. He just wants the TV on for Forget the World. And somewhere on a big armoire, he finds there's still one old postcard sitting there. Hmm. Postcards that people actually only send because they want to make someone else envious of where they've been, but anyway. Oh, d'accord. You're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. And I'm Olaf. And we're bringing you music from France and French-speaking countries here on KFAI in Minneapolis, St. Paul. And it's about freezing outside, at least it was an hour ago when I came in. It was some 32 degrees on my car. You probably have more updated information there, Olaf. Hope it doesn't freeze anymore and make it slippery. We have, right now it's minus 2 degrees centigrade in Minneapolis, and it's cloudy. I mean, mm-hmm. all you need to do is actually look out through the window and you'll see it's cloudy, and stick your hand out through the open window and you find it's freezing. So I mean, I don't know why do we have to give you all of this information about in Paris, however, it's partly cloudy and it's 0 degrees centigrade, which means 32 Fahrenheit. Mm-hmm. And they're just going to hang in there about one degree plus all night. Okay. Alors, maintenant, on va écouter de la nouvelle musique qui nous vient de RFI, Radio France Internationale. Et c'est Pierre Lapointe qu'on va écouter. Je ne connais pas Pierre Lapointe, mais c'est un nouveau peut-être. Hein? Il est canadien, je pense. Oh, il est canadien. Oui. Alors, il va chanter d'abord au 27 rue des Partances. Et ça va être suivi par Pierre Lapointe encore, Comme ils disent. 2700 rue des Partances. J'ai revu mes tristesses d'avant, brisé mes bonheurs présents. Toujours les mêmes gestes, toujours le même enfant qui détruit tout de peur d'être géant. Et je vais au lendemain en sachant que rien n'ira aussi loin que mes amours d'à présent. Et je sais bien que demain ira peut-être moins bien, mais je n'aurai qu'à penser au passé. Tu sais, celui qu'on s'est bâti à coups de rires et de joie, celui qu'on s'est donné le droit d'habiter. Tu sais, celui qu'on a souvent touché du bout de nos doigts, celui qui a grandi entre toi et moi. Rue des Partances, j'ai brisé ton grand cœur d'enfant qui rêvait d'être géant. Toujours les mêmes gestes, plus jamais le ma maman me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant. Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant. Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce en travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée. marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, sa jolie diva, les ténors de la bêtise. Moi, les lazy, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, suis dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme ils disent. Hey, bravo, Olaf. Well, you heard, well, it's no bravo to me. It's RFI who selected Pierre Lapointe. And actually, I mean, it's very nice music. And Pierre Lapointe is a Quebecois. He's singer and keyboardist. And in his self-titled album, he started that in 2011. And from then on, he got several prizes. And he is really into... well, he's a rising star. And when you listen to the music, I mean, the way he sings, both the words as well as the music and the presentation are quite remarkable. With the first one, of course, was the song about 27 Rue de Partance. And he sings about more or less childhood remembrances, and he looks at the street that he in Quebec that he was raised in, and it's a very, very nice presentation. The second one, Comme il dit, is about, he sings about that he is helping his old mother, and he goes out and shops for her and so on, but he really is an artist. And then at 3 o'clock in the morning, they sit, he and his artist friends sit and have a meal, and here, there, it's comme ils disent, as they say it, and actually, this is quite of a, they sit in this restaurant, and also talk about the people who come in and out, but it's much, much more benign, much more, more so than the song by Brel on the, what was the song again? That, Les Bourgeois. Les Bourgeois, yes, which was more sarcastic. Very strong. And here, sarcasm. And here. So it's a very, very nice presentation. And he has, he got the Grand Prix du Festival International de la Chanson. And so from then on, he has been a rising star. And it is kind of clear from what the two samples we heard. Wonderful. Remember that name, Pierre Lapointe. I think we're going to hear a lot from him. His set in Quebec, his last album is up around 500,000 sales right now. They call him a clone between Michel Berger and Barbara. Well, whatever. Alors, on continue. Oh là là. Alors, maintenant, on va écouter un artiste qui s'appelle Garz. G-A-R-Z. Il va vous chanter « Dos au mur ». Et ça va être suivi par Laurie Darmon qui chante « Rupture ». Dos au mur, bien arrimé, relativement sûr d'y arriver, je cueille quand c'est mûr le fruit de ma pensée dans ma belle masure. Abandonné, les heures s'étirent vers la fin de la cure. Je ne saurais dire ce qui va germer. Dos au mur, acculé, est-ce que j'assure? Peut-on encore rêver à les purs sans se désintégrer, sans bavure devant le feu de cheminée? Les heures s'étirent vers la fin de la cure. Je ne saurais dire ce qui va partir en fumée.

No, exactement. Okay. Well, we heard three, with all of the other announcements going in and out between, we first of all heard Garce in Do au Mur, the back through the wall. And he sings about various things and how and life and how he has to respond to them and how he has to kind of make do. And actually, Garce's name is Mathieu Garczynski, and Garczynski it was an old Polish noble family, so he must have been, they must have emigrated to France. The next one, Laurie Darmon, Rupture. Also, she sings about her sunny tunes, rhythms, and they make a meeting between, well, chanson, poetry, and rap. And she sings, she writes her own songs, and plays them. And the last one, Vianney, Rupture, the rupture. And obviously, this was not of your whatever veins or anything like this. It was some rupture between two lovers. The next one was Vianney, Au débutant de l'amour, in which he sings about the beginners of love, those debutantes who are just testing the waters and trying to find love. So he also is quite kind of a social critic and tries to comment on the present situation. He's fairly young and still does a very good job at both composing the lyrics as well as doing the music. Et voici une annonce. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Here's some announcements of what's going on in the Twin Cities. First of all, there will be a fundraiser for radio station KFAI coming up on February 7th at the Turf Club. That is on University. Let me see here. It tells us. I believe it was University and 6 or something like that. Anyway, it's going to star Yonkers, X-Boys, Mofos to rock old school KFAI benefit February 7th at the Turf Club on University. Okay. Oh, I thought for sure I had that. Here it is, I think. It starts at 7 p.m. at the Turf Club and goes until 11:45, 1601 University Avenue West in St. Paul. They give a number if you need to call, 651-647-0486. Their website, turfclub.net. The Lab Theater is going to be putting on The Crucible. I imagine it's the Arthur Miller version. Oh, yes. I don't know. I saw Simon Signoret in that many, many years ago. It's a thrilling, wonderful thing about witchcraft. That's going to be January 24th and 25th, St. Paul Conservatory for Performing Arts. On February 6th through the 8th, Music of Mozart by the Minnesota Opera, Project Opera. Then there will be more things coming up later. We will announce that in the future. There will be dance and kinetic evolutions, whatever that's going to be. And Zoot Suit Riots. Well, we'll keep them all here for you. At the Alliance Française, Jeune Cadre Dynamique, our meeting, Young Professionals, Thursday, January 22nd, from 6 to 9, it's La Soirée Pull Moche at the Club I don't know if they say Jaeger or Jagger, Jagger. That's the best sweater wins an Alliance Française membership. 6 to 9 p.m. at the Club Jagger or Jaeger. They tell you to join their Facebook group or email list to stay updated. On Friday, the 23rd at 7 p.m., a movie at the Alliance called Une Place sur la Terre. It's shown in French with English subtitles at the Alliance 113 First Street, next to the old Jeanlin place. It's popcorn and pop provided. It's free and open to the public. Always something happening at the Alliance. Classes are starting. Oh, this should be a lot of fun, Olaf. On the 31st at 6 p.m., there's going to be a Fest Nose, a party from Brittany to celebrate La Chandeleur. You'll celebrate La Chandeleur, which I believe is the 2nd of February, isn't it? I think it is, yes. Mm-hmm. It's in Breton style. You'll enjoy crepes, galette, and cidre. Well, their cider is not like the sweet stuff we get here. Sometimes it's got a kick to it. Sometimes, always. Oh, sometimes it tastes kind of bubbly like champagne, too. And you'll learn a little Breton vocabulary. Perhaps most of our, or many of our listeners don't know that they speak a completely different language. It's a Celtic language in Brittany. Do you know any words? No, but I mean, the point is that they can actually communicate with people of Wales. Yes. And I mean, in of sorts. I mean, not, but at least they have similar roots and they can. They were connected, or at least there was transportation Gaelic, between. Where it's Gaelic is spoken in the United Kingdom. In February, the 4th, from 6 to 8, Navigateur de la Littérature Intermediate Book Club will currently read Sans Famille by Hector Malot. This will be a lot of fun for everybody. On Saturday, February 7th, from 9:30 to 11:30, Petit Déj at the Alliance Breakfast Conversation Group, made possible by the Alliance and Breadsmith, free and open to the public. And there you just, sometimes there's a featured program, but usually it's just sitting down and having a good conversation with whoever's around. Film for Kids on the 8th of February from 3 to 5, Ciné Kids, Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Thursday, the 12th, 6 to 7:30, Apéro en Français at the University Club in St. Paul. Join the Alliance Française members in the elegant member bar of the U Club for conversation et un verre de vin. Friday, the 13th at 7, Ciné Club, Pauline et François, a film shown in French and so on. We won't go anymore. We'll tell you about the rest of those things, but there is a nice workshop coming up, a repas d'hiver. Join Damien and learn how to make hearty winter dishes and share a delicious meal. Wouldn't you like to add a good recipe for bœuf bourguignon to your repertoire? There's also that class is January 24th on how to make winter-type dishes from 10:30 in the morning to 1:30. French for Travelers, a five-week class, will start January 15th, so they've already had one meeting. They meet Thursdays from 6 to 8 p.m. It's a crash course in survival French. A five-week class will be coming up on Saturdays starting on January 17th, so they too have met once. They meet Saturdays from 10 to 12, 10 a.m. to 12 p.m. This will be a book read by Alliance Française members throughout the U.S. The novel is called Le Collier Rouge, a picture of a dog with a red collar. An award-winning contemporary author, Jean-Christophe Ruffin, the instructor is Denis, and it will be a mysterious story of the consequences of World War I in a small French village. Curl up with a good French novel this winter. Well, there are just so many. I think you should probably go online and see the wonderful offerings. There's a review of major structures in grammar. There's an intensive beginner 5-week class. There are classes for children as young as 18 months up to grades 7 through 10. You can view that online. Other activities, Matthew, oh dear, there's another Polish name, Janczewski's Arena Dances presents Plastic Language at the Kahl Center for Dance on March 27th and 28th at 8 p.m. We'll tell you more about that later, too. And they're looking for someone who's a designer or an architect. They want to do some, some remodeling, and they need some expert advice. That's about it for announcements here. There's also quite a few jobs offered at the Alliance. Look them up at bonjour@afmsp. Et voilà. Revenons à notre musique, hein, Olaf? Tu as une annonce? Well, not really an announcement, but at least something a little bit more cheerful than what we heard over the last weeks from Paris. And that is that the young Malian, the young African from Mali, yes, who actually who hid people in the during the attack of the Jewish supermarket. Yes, the kosher supermarket. Endangering his own life, hid people in and kept them quiet until the situation was resolved, and he, because of his bravery, was given the French citizenship. So now he is a French citizen, and the citation was pour courage, because of great courage. He is Muslim faith, but yet he has worked there and had the bravery to save the lives of the people that were there. Exactly. So now that he has become a French citizen. Wonderful. Yeah. Well, that is a little bit of better news, yes. Anyway. Donc, maintenant on va écouter. Qui est-ce que c'est? On va écouter maintenant. Julien Clerc, je crois. Julien Clerc va vous chanter « On ne se méfie jamais assez ». Et ça va être suivi par Johnny Hallyday, toujours jeune, Johnny. Et Johnny va vous chanter « Te manquer ». Je partirai un soir quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi le plaisir du jeu. Te manquer, je voudrais te manquer. Je garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçables et muets. Je ferai de ma voix l'écho de mon absence et de tout cet amour un sentiment parfait. Te manquer,

I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions, music for dancing and music to transport you to a tropical space, here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. So, first of all, we heard the indestructible Johnny Hallyday in To Monkey, in which he deplores that she is missing. He misses her. Well, so that's what Hallyday has been singing about for the last 60 years, something like this. But the other one was Julien Clerc. Actually, his name is Alain Leclerc, and he sings about On ne se méfie jamais assez. You don't distrust enough. Never do you distrust enough. And what he sings about is someone has taken his heart, she's taken whatever else, and here he sits, and he should not have trusted this person the way he did. Now he sits there left totally in tears. So that's and Julien Leclerc actually he dates back from the 60s, but he is extremely well known right now. He gives he appears on France 2 and sings, and actually came up with one on in which he sang about Charlie Hebdo. So he is very very much in en vogue. So now we are going to Deux versions de J'aime Paris au mois de mai. C'était une chanson créée par Charles Aznavour en 1956, enfin ancienne maintenant, mais c'était recréée par Zaz, la chanteuse que vous avez entendue dans la première partie. Et qu'est-ce que tu veux d'abord? Aznavour? Non, on va d'abord écouter. On va avoir Zaz. Zaz, et puis après on écoutera la version originale. D'accord. Je partirai un soir. S'empare de la vieille cité qui se met à rayonner.

et ses aquarellistes que le printemps a ramené, comme chaque année le long des quais j'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. Well, we heard a collaboration between Zaz and Aznavour about J'aime Paris au mois de mai, and then you heard him say an earlier version from 1956. Same song. I mean, that's one of the songs that he created. And maybe it's not such a nice thing to compare the Zaz version with the original one, which, of course, is the one that counts. So. Well, à la semaine prochaine, Olaf. Merci bien. C'est très bien de vous revoir.